Ces dernières années, le comité central de la Fédération de protection des handicapés de Corée intensifie la coopération et les échanges avec la Fédération mondiale des sourds-muets à la suite de la signature du protocole d'entente entre les deux formations en 2012, suivi de la publication du plan d'action quadriennal. Dans le cadre de l'amélioration du métier des handicapés, a été rehaussée la capacité d'équipement de l'atelier des matériaux de construction des sourds-muets et réalisée la coopération pour la rédaction et l'édition de livres dactylologiques de l'Association des sourds-muets de Corée. Et a vu le jour la coopération pour les équipements destinés à la formation du réseau informatique en braille entre l'Association des aveugles de Corée, les écoles pour aveugles de Pongtun de la province du Hwanghae du Sud, de Hamon de la province du Hamgyong du Sud et de Daedong de la province du Pyongan du Sud, et les éditions Gwangmyong. Pour la formation précoce des enfants sourds, on a aménagé à merveille la crèche de Kaesun de l'arrondissement de Moran de la ville de Pyongyang et mis sur pied les assises matérielles pour la normalisation de la gestion de la classe d'éducation dactylologique et de la salle de formation des interprètes dactylologiques. La Fédération mondiale des sourds-muets a offert des aides à la formation du métier technique des membres de l'Association des sourds-muets de Corée pour l'exploitation des produits électroniques à signaux lumineux pour sourds-muets et à la formation de la technique informatique des sourds-muets. En 2014, la délégation de l'Association des sourds-muets de Corée a visité le secrétariat général de la Fédération mondiale des sourds-muets pour échanger des expériences et en 2016, la délégation de la Fédération mondiale des sourds-muets s'est rendue en Corée pour discuter sur la coopération d'avenir.